إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، توجد على سيغ دو كور دو شرح القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، أكل شرح دو الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. On avait fait la tarjama de Cheikh al-Islam, la biographie de Cheikh al-Islam, Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala. Et on va faire aujourd'hui, inshallah, la biographie de Cheikh Abdullah ibn Abdul Rahim al-Bukhari, hafidahullah ta'ala. J'avais dit qu'on avait le choix entre le fait de faire une tarjama générale ou détaillée ou courte. Courte ou détaillée, on va faire, inshallah, une détaillée aujourd'hui. Donc tout le cours, ce sera une biographie de Cheikh Abdullah ibn Abd al-Rahim al-Bukhari, hafidahullah ta'ala. Et j'avais aussi dit qu'on s'attacherait à lire une défense, une nouvelle recommandation de Cheikh Abdel Javiri par rapport à Cheikh al-Bukhari, dans laquelle il classifie les gens qui l'attaquent en trois catégories. On ne la fera pas aujourd'hui, cette partie-là, pour la nouvelle recommandation et la classification que j'ai dite. On la fera peut-être le dars prochain. Et donc, normalement, inshallah, si tout va bien, le dars prochain, on devrait faire cette recommandation avec la classification à laquelle j'ai fait référence. Et on devrait commencer le matn al arba avec le charh de Cheikh Abdullah al-Bukhari, hafidahullah ta'ala. Ce qui est plus ou moins ce qu'on avait prévu, c'était plus ou moins un dars. On a fait un dars, alhamdoulilah, pour la biographie de Cheikh al-Islam, un dars pour la biographie de Cheikh al-Bukhari, et puis qu'on commence directement dans le matn. Et de toute façon, Cheikh al-Bukhari, au début du charh, il explique pourquoi ce cours est important, etc. D'ailleurs, vous allez voir dans la biographie que Cheikh al-Bukhari, il a fait ce livre avec Cheikh Mohamed Aman. Bukhari al-Arba, il l'a fait avec Cheikh Mohamed Aman. Donc, c'est une biographie qui est détaillée, qui est en fait une série de questions qui sont posées par un talib, un étudiant, au cheikh lui-même. Donc, c'est-à-dire que cheikh qui fait sa propre biographie en répondant aux questions de l'étudiant. D'accord ? Donc l'étudiant a préparé une série de questions, il a demandé l'autorisation, il les a données au cheikh, le cheikh il a accepté, et donc le cheikh répond à ces questions par rapport à sa propre biographie. On ne va pas tout rapporter parce que c'est vraiment très long, surtout à la fin il parle de ses ijazat, on a rapporté quelques-unes, mais encore tout à la fin une question, il rapporte tous ses ijazat, plus tous les livres que lui il a étudié, plus tous les livres que lui il a écrit. Ça c'est assez facile, si vous voulez, pour y retourner, inchallah, je vous donnerai un lien, c'est sur un forum salafi, sous l'égide d'un cheikh salafi d'ailleurs, je vous donnerai, pour trouver tous les liens, etc., dans le PDF qui sera attaché à l'audio d'aujourd'hui, inchallah ta'ala. Donc on commence directement, et donc c'est tarjama de Cheikh Al-Fadil Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari, hafidahullah ta'ala, et comme je l'ai dit, toujours dans le cadre de notre étude de l'épître de Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abd al-Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, par Cheikh, essayez de retenir le nom complet, inshallah, Cheikh Abdullah ibn Abd al-Rahim al-Bukhari, qu'Allah le préserve. Voici une biographie faisant lumière sur ce noble Cheikh salafi et sur sa préséance, Cheikh Abdullah ibn Abd al-Rahim al-Bukhari. Et comme je vous l'ai dit dans l'introduction, j'ai dit que cette biographie est sous forme d'une série de questions d'un étudiant en sciences islamiques qu'il a soumise au Cheikh et au sujet desquelles il a reçu la permission et l'acceptation du Cheikh. Donc on commence directement par la première question. السؤال الأول شيخنا لو تكرمتم بذكر الاسم كاملا ومكان الميلاد. Donc dans la première question, l'étudiant il pose la question à Cheikh al-Bukhari et il dit: notre cher, pourriez-vous avoir l'obligeance de citer votre nom complet ainsi que votre lieu de naissance? La réponse du cheikh, الجواب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى أتباعه إلى يوم الدين وبعد. تحقيقا لرغبة الإخوة السائلين لها أجيبكم عن أسئلتكم المتعلقة بالترجمة وأسأل الله أن يوفقنا ويسددنا إنه سميع مجيب. فأقول جواب عن السؤال الأول، الاسم عبد الله بن عبد الرحيم بن حسين بن محمود السعدي ثم البخاري المديني. دونك الشيخ الدي حفظه الله تعالى، toutes les louanges reviennent au Seigneur des mondes, que la prière et la salutation d'Allah soient sur notre prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille, ses bons et purs compagnons, ainsi que sur ceux qui le suivent jusqu'au jour du jugement dernier. Ceci étant dit, afin de concrétiser le désir des frères qui la demandent, je réponds à vos questions liées à la biographie. Et je demande à Allah qu'il nous facilite et nous affermisse. Il est certes celui qui entend tout et celui qui répond aux invocations. Je dis donc en réponse à la première question, on a dit que la première question c'est quant à son nom et à son l'endroit de naissance, l'endroit où il est né, hafidhahullah ta'ala, il dit, je suis Abdullah ibn Abd al-Rahim ibn Hussein ibn Mahmoud al-Sa'di puis al-Bukhari puis al-Madini. Et c'est une filiation, le Cheikh il dit, نسبة إلى بني سعد من الطائف كما حدثني بذلك والدي الشيخ عبد الرحيم رحمه الله عن والده الشيخ حسين عن آبائه. Donc le Cheikh il dit c'est une filiation à Banu Sa'd de Al-Ta'if, qui est une ville connue en Arabie Saoudite, comme me l'a dit mon père Cheikh Abd al-Rahim. Alors vous allez voir que dans la biographie de Cheikh Abdullah al-Bukhari hafidhahu Allah, on ne va pas d'abord faire la biographie du Cheikh lui-même, il va parler de son père. Et il va dire pourquoi. Il y a une question qui va être posée, d'ailleurs la première question après celle-ci c'est sur son père. Il va parler de son père et il va dire le chef que c'est le minimum que je puisse faire en termes d'obligation envers mon père, c'est de parler de lui, de dire qui c'était, parce que c'est un Rajul Fadil. Et c'est quelqu'un qui a eu des postes importants en Arabie Saoudite dans la Da'wah, etc. Et pour des postes gouvernementaux. Et c'est quelqu'un qui avait des liens avec des grands savants salafis comme Cheikh Ben Baz et d'autres. D'accord. Et Cheikh Rabi et d'autres, etc. Et vous allez voir aussi qu'à un moment, on va arriver à la tarjama de Cheikh Abdullah lui-même, on va voir qu'en fait, que ses parents ont joué un grand rôle, évidemment, dans son éducation et donc dans sa biographie. Ils ont une grande influence sur sa vie. Donc, le Cheikh, il dit, c'est une filiation à Banu Sa'd al-Ta'if, comme l'a dit mon père, Cheikh Abd al-Rahim. Donc, on avait dit que c'est Abdullah ibn Abd al-Rahim. Donc, son père, c'est Abd al-Rahim. Qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'il a rapporté de son père, Cheikh Hussein. Donc c'est Abdullah ibn Abd al-Rahim ibn Hussein ibn Mahmoud qui le rapporte de ses aïeux. Quant au lieu de naissance, le Cheikh il dit c'est-à-dire que le lieu de naissance du Cheikh c'est à Médine dans le quartier appelé Bab al-Tamar. Et puis le talib pose la deuxième question au Cheikh. Il dit السؤال الثاني شيخنا بارك الله فيكم هل لكم أن تذكروا لنا شيئا عن والدكم الشيخ عبد الرحيم. Notre cher, qu'Allah vous bénisse, pourriez-vous nous dire quelque chose à propos de votre père, cher Abd al-Rahim? La réponse. Al-Jawab. Inna min aqal al-wajibat al-muta'ayyinati alay tujah walidi rahimahullah an ubayyin makanatah wa arrif bihi 'inda man yajhaluh. Fa'aqul walidi huwa al-Sheikh Abd al-Rahim ibn Hussein ibn Mahmoud rahimahullah. Nasha'a yatiman fi kanf ummih. إبان الحكم العثماني للحجاز وحفظ القرآن الكريم منذ صغره في الكتاتيب وتابع دراسته في مدرسة العلوم الشرعية وأجيز منها في ذلك وكان متفوقا كما هو محفوظ عندنا من شهادة المدرسة بذلك ومع عمله كان يحرص على حلق العلم بالمسجد النبوي الشريف والأخذ عن علمائه آنذاك ثم انتقل إلى الرياض وعمل فيها لدى الملك عبد العزيز رحمه الله وعمل بعدها في أعمال مهنية أخرى والتحق بالإدارة العامة لهيئات الأمر بالمعروف في أول عام 74 بعد 300,000 هجري وكان رئيس الهيئة أنذاك الشيخ العلامة عمر بن حسن آل الشيخ رحمه الله بمسمى الرئيس العام للهيئات الدينية بنجد والمنطقة الشرقية وتحصل الوالد رحمه الله على شهادة وتزكية. C'est le fait que son propre père avait obtenu des tezkiyat de certains parmi les gens de science. وهي محفوظة عندنا بتوقيع سماحة الشيخ عمر تدل على حسن سلوكه وسيرته وتزكيته. قال فيها رحمه الله إن الموظف الموضح اسمه أعلاه الأستاذ محمد بن عبد الرحيم بن حسين البخاري نشأ في رعايتنا ونعتبره من أبنائنا ونثق فيه عقيدة وحسن خلق وإخلاصا في دينه وإخلاصا في حكومته. دوك الشيخ الدي حفظه الله تعالى Il fait partie du, regardez l'adab encore, et c'est une des raisons pour laquelle il est important de prendre des gens de science et qu'on prend aussi leur adab. On prend leur ilm, on prend aussi leur adab. Et l'important dans l'intérêt de ce genre de biographie, c'est d'essayer de nous motiver et d'avoir des exemples à suivre, des exemples à prendre pour modèle, pour qu'on puisse nous-mêmes aspirer à devenir comme ces gens-là. Regardez quel respect qu'il a vis-à-vis de son père. Il dit, fait partie du minimum obligatoire de ma part envers mon père, que je mette en évidence son statut et que je le fasse connaître auprès de ceux qui ne le connaissent pas. Et donc je dis, mon père est le cheikh Abdurrahim ibn Hussein ibn Mahmoud, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il a grandi orphelin sous l'aile de sa mère au temps du pouvoir ottoman au Hijaz. Il a mémorisé le Coran dès son jeune âge dans les Katatib. Et il a poursuivi ses études à l'école des sciences religieuses et il en fut diplômé et il était brillant comme ça l'a été préservé chez nous dans le diplôme de l'école. D'accord ? Vous allez voir qu'au fur et à mesure de la biographie qu'il fait de son propre père, Hafidhahullah Ta'ala, et qu'Allah fasse miséricorde à son père, vous allez voir qu'il a des documents qui prouvent tout cela et qu'il garde précieusement en fait. D'accord ? Il dit, cher, et malgré son travail, regardez parce que, et ça nous concerne à nous aujourd'hui, on vit dans un monde qui est, comme on dit en anglais, busy, hein ? Et Cheikh Al-Anjari, il a fait le nasiha par rapport à ça quand il est venu ici, dans certaines assises en privé, etc. Et c'est vrai qu'on a un challenge maintenant, c'est un défi pour nous de gérer notre temps. En 2013, presque 2014 maintenant, hein, dans quelques jours, c'est vraiment un défi de s'organiser par rapport à notre vie de tous les jours, notre pratique, notre acquisition de la science, etc. D'accord ? Regardez, il dit, et malgré son travail, il était diligent quant au fait d'assister au cercle des sciences à la noble mosquée prophétique à Médine et au fait de prendre la science chez les savants de cette mosquée en ce temps-là. Puis il déménage à Riyad et il travailla avec le roi Abdelaziz, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et il travailla ensuite dans d'autres occupations professionnelles et il rejoignit la direction du comité pour l'ordonnance du bien au début de l'année 1374 de l'Hégire. Et le président du comité à cette époque-là était le savantissime Cheikh Omar ibn Hassan Ali Cheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde, avec le titre de président général des comités religieux au Najd et la région de l'Est. Et notre père, qu'Allah lui fasse miséricorde, avait une recommandation et un témoignage qui est préservé chez nous, avec la signature de son éminence Cheikh Omar, qui indique son bon comportement, ainsi que sa bonne vie, et sa recommandation dans laquelle il dit, qu'Allah lui fasse miséricorde, ça c'est le terme de Cheikh Omar ibn Hassan Ali Cheikh, le grand savant, d'employer dans le nom stipulé ci-dessus Monsieur Mohamed Abdurrahman ibn Hussein al-Bukhari, c'est-à-dire le père de Cheikh Abdallah al-Bukhari, rahimahullah, et Hafidallah Cheikh al-Bukhari, a grandi sous notre égide et nous le considérons comme faisant partie de nos enfants. Et nous avons confiance en lui, dans la croyance et le bon comportement. D'ailleurs, Cheikh al-Bukhari, plus tard, il va dire que son père était sur l'aqidah al-sunnah al-jama'a. Et dans sa sincérité dans la pratique de la religion et dans sa sincérité envers son gouvernement. Puis il a donné une attestation avec un numéro 2396 avec des références en date du 25 du 9 1377. Vous voyez le nombre d'années que ça fait maintenant ? D'accord, on est en quelle année maintenant ? 1435. C'est important de connaître le tarikh al-hijri. Très important. Nous, en tant que musulmans, surtout en tant que salafi, on doit apprendre, d'accord, à utiliser d'abord le calendrier hijrien. C'est quelque chose que le directeur de Salafi School nous dit toujours. Il nous dit, quand vous mettez la date au tableau, arrangez-vous pour qu'il y ait la date hijri et ensuite la date miladi. Pour que les enfants y grandissent avec cette notion du calendrier égyrien. Puis Cheikh il dit, on continue donc la tarjama. ثم انتقل الوالد رحمه الله إلى المدينة النبوية للعمل بالمحكمة الشرعية الكبرى. في عام 80 بعد 300,000 هجري كاتب ضبط لدى عدد من مشايخ وقضاة المدينة وعلمائها وكان رئيس المحكمة أنذاك وإمام وخطيب المسجد النبوي الشريف الشيخ العلامة عبد العزيز بن صالح رحمه الله للوالد رحمه الله شهادة تدل على حسن سيرته أيضا منه أفاد فيها بأن الوالد رحمه الله كان خلال عمله مثالا للجد والنشاط وقائم بكل ما يسند إليه من أعمال خير من أعمال خير قيام وكانت هذه الشهادة مؤرخة عام 92 بعد 300,000 هجري Donc, Cheikh, ici, il va rapporter maintenant que son père, on a dit qu'il était dans quelle ville au début? Riyad. À Riyad. Il va maintenant déménager vers quelle ville? À Médine. La ville où Cheikh Abdullah al-Bukhari est né, et d'ailleurs où il vit toujours, où il enseigne à l'université de Médine et dans Mejr Ridwan et à d'autres endroits. D'accord? Donc, Cheikh, il dit, puis mon père, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a déménagé à Médine afin de travailler au grand tribunal islamique en date du 13 du 2380. Donc, la précision du Cheikh. Hein, de l'égir en tant que greffier, ce qu'on appelle en arabe katiba dabtin. La traduction la plus proche que j'ai trouvée, moi, c'est greffier, au tribunal. D'accord? En tant que greffier auprès d'un certain nombre de chouyours et de juges et savants de Médine. D'accord? Et le président du tribunal était à l'époque l'imam et le khatib de la Masjid Nabawi, de la mosquée prophétique, qui était Cheikh Abdelaziz ibn Salih, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et mon père avait aussi de sa part une attestation qui indiquait sa bonne vie et dans laquelle était écrit que mon père, qu'Allah lui fasse miséricorde, donc ça c'est les mots de qui maintenant? Cheikh Abdelaziz ibn Salih, c'est-à-dire l'imam al-Khatib et le Masjid Nabawi et le président du Mahkama de Médine, était dans son travail un exemple de sérieux et de dynamisme. Donc ça c'est par rapport au père de Cheikh Abdullah. Et qu'il s'acquittait de toutes les tâches qui lui étaient confiées de la meilleure des manières. Et cette attestation est datée du 21 du 9 1392 de l'Égir. Si je calcule bien, ça fait combien d'années maintenant? 43. Puis Cheikh il dit ثم انتقل رحمه الله إلى الجامعة الإسلامية في عام 88 بعد 300,000 برئاسة سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله وقد تحصل الوالد على شهادة وتزكية encore une fois une تزكية une attestation une recommandation محفوظة لدينا فيها إفادة مصدقة من سماحة الإمام عبد العزيز بن باز بأن الوالد رحمه الله يتصف بحسن السيرة والسلوك والاجتهاد في العمل وبقي فيها حتى انتهاء خدمته من العمل الحكومي. Donc Cheikh il dit, puis son père, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a rejoint l'université de Médine en date du 1er du 4 1388 sous la présidence de son éminence Cheikh Abdelaziz bin Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et mon père a reçu une attestation et une recommandation qui est préservée chez nous, dans laquelle son éminence Cheikh Abdelaziz bin Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit à son sujet qu'il était caractérisé par ses bonnes vies et mœurs, donc par sa bonne vie et ses bonnes mœurs, et par l'effort dans le travail. Et d'ailleurs, cette attestation, elle porte le numéro 388, en date du 27 du 3-1392 de l'Égir. Et il reste à l'université. Vous allez voir dans la biographie de Cheikh Abdullah plus tard, Inch'Allah, que Cheikh Abdelaziz, il a motivé, Cheikh Abdelaziz ibn Baz, hein, il a motivé Cheikh Abdullah al-Bukhari à aller à l'université de Médine. Et quand Cheikh Abdullah al-Bukhari lui a posé la question sur la faculté du hadith, et Cheikh Ibn Baz, il est encore plus motivé à y aller. D'accord? Donc, vous savez que Cheikh, il est diplômé, il a un doctorat, il est docteur, et il enseigne d'ailleurs maintenant à l'université de Médine, hafidahullah ta'ala. Et il reste à l'université, donc son père, jusqu'à ce qu'il termine son activité dans la fonction gouvernementale, en date du 1 du 7-1407 de l'Égir. Vous avez parlé de la mort de son père, alayhi rahmatullah. Il dit, tout fi rahimahullah, wa qad khallafa 13 ولدا وكان عابدا ناسكا حريصا على العلم محبا للعلماء مبجلا لهم متبعا للسنة منابذا للبدعة والمبتدعة على اعتقاد أهل السنة والجماعة وله صلة وثيقة بعدد كبير من علمائنا السلفيين منهم سماحة الإمام العلامة المفسر محمد الأمين الشنقيطي. Et vous allez voir que regardez les noms que il cite qui ont avec lesquels son père a eu des contacts. Vous allez voir après les noms que le Cheikh va citer lui-même par rapport à ses propres chouyours à lui. Hein? Que des montagnes. Dans la science. Rahma al-amwat minhum, hafid minhum al-ahya. Donc le Cheikh il dit, Sahib Adwa al-Bayan, parce que Mohamed Amin Shinqiti, rahimahullah, une de ses œuvres les plus connues, même si dernièrement, je ne sais pas si vous avez vu ça, moi je l'ai à la maison, je sais qu'il y a certains frères qui l'ont, ils ont compilé en Arabie Saoudite, si pas tous les ouvrages, la majorité des ouvrages, de Cheikh Mohamed Amin Shinqiti rahimahullah en 19 volumes, dont Adwa al-Bayan. Adwa al-Bayan, vous savez ce que c'est de Mohamed Amin Shinqiti? C'est son tafsir du Coran. C'est le tafsir du Coran. Il est dans le fond de la mosquée, tout seul, mais il existe aussi dans une compilation de 19 volumes où il y a beaucoup de livres de l'imam Mohamed Amin Shinqiti rahimahullah. Et c'est un tafsir qui s'appelle Adwa al-Bayan bi tafsir al-Quran bil-Quran. Fi tafsir al-Quran bil-Quran. C'est-à-dire que Cheikh Mohamed Ibn Shinqiti, il explique le Coran avec le Coran, qui est le plus haut niveau dans le tafsir. D'accord ? Donc ça, c'est parmi les ouvrages qui sont connus de Mohamed Amin Shinqiti. Quand on dit Sahib Adwa al-Bayan, on sait directement que c'est Mohamed Amin Shinqiti, rahimahullah ta'ala, qui est le cheikh de beaucoup de nos mashayikh d'ailleurs. Cheikh Mohamed Amin Shinqiti est le cheikh de beaucoup de mashayikh qu'on connaît. وسمحت الإمام الشيخ الإسلام بن عبد العزيز بن باز وله تواصل مع العلامة الفقيه عبد الرحمن السعدي بل إن الشيخ أهدى للوالد كتبا وعليها خط الشيخ وهي محفوظة عندي ومنهم العلامة المحدث حمد الأنصاري والعلامة المحدث عبد المحسن العباد on parle toujours des amis de son père, on parle pas encore des chouurs du fils والعلامة المجاهد محمد أمل جاني والعلامة المحدث ربيع بن هادي والعلامة المحدث عمر بن محمد فلاته وغيرهم كثير. Vous connaissez Omar Fulata? Ça, Ikhwa, hein, c'est un très très grand savant, qui est un savant contemporain qui a vécu à cette époque-ci, qui était à Médine. Je vous en ai déjà parlé parce que j'avais dit que Cheikh Ahmed Ansari, une histoire que certains mashayikh nous ont raconté, que Cheikh Ahmed Ansari et Cheikh Fulata, c'était des gens qui n'avaient pas des diplômes universitaires. Et qui disent, ils enseignaient tous les deux, même c'est devant eux qui étaient présentés les thèses de doctorat. Ils disaient, l'un disait à l'autre, ils disaient, tu te rends compte qu'on est les seuls qui n'avaient pas de diplôme, on n'a pas de, faudrait peut-être qu'on s'y mette, etc. Et l'autre, il lui dit, non, mais c'est nous qui donnons les diplômes, c'est nous qui donnons les doctorats aux gens. D'accord? Donc, Cheikh Omar Fulata, et Inch'Allah, je compte le faire un jour, qu'Allah nous facilite, c'est que Cheikh Al-Bouhs Al-Abbad, qui fait partie des élèves de Cheikh Omar Fulata, il a fait une biographie de Cheikh Omar Fulata. Il a fait, c'est dans son compilation de Rasa'il, des épîtres et des livres de Cheikh Mohamed Al-Abbad, elle est dedans. Comme il a fait d'ailleurs de Cheikh Mohamed Ibn Salah Al-Uthaymin aussi. D'accord ? Cheikh Omar Fulata. Si vous voulez savoir plus, notamment sur Cheikh Omar Fulata, rahimahullah, allez voir Abu Hakim. Parce qu'Abu Hakim, il l'a connu à Médine. D'accord ? Cheikh Omar Fulata, c'était vraiment un très très grand savant. Et je recommande les frères et les sœurs qui nous écoutent de chercher les biographies de ce genre de personnes. Parce qu'il y a beaucoup de fawaïd et leur ilm. Et si les frères veulent, ou les sœurs via les familles, etc., j'ai des CD, des audios, beaucoup d'audios de Cheikh Omar Fulata à la maison. Des shuruhat, etc., de livres qu'il avait fait. D'accord ? D'ailleurs, si quelqu'un parle à Umrah ou al-Hajj, vous savez que vous pouvez. Maintenant, à l'époque, on achetait des CD. Maintenant, c'est modernisé. C'est-à-dire que tu peux arriver avec ce qu'on appelle en anglais hard drive, un disque dur externe, de même 1000 gigas ou 500 gigas, etc. Tu le donnes dans un bureau, dans la mosquée prophétique, et tu le laisses pendant peut-être 24 heures, etc. Et ils te le remplissent de doros, des chiurs que tu veux, comme Cheikh Fulata, Cheikh Ali Nasser Faqihi, Cheikh Mohsin Al-Abbad, Cheikh Salah Al-Suhaimi, Cheikh Abdelazak Al-Badr. D'accord ? Donc ça, c'est possible d'obtenir. Et vous allez pouvoir obtenir notamment des doros de Cheikh Fulata, rahimahullah ta'ala. Donc, qu'est-ce qu'on disait ? On disait que وكانت وفاته في يوم الخميس الموافق يوم الثالث والعشرون أو الثالث والعشرين من الشهر الثاني عشر عام 22 بعد 400 ألف بقرب أحد مداخل المسجد النبوي. Regardez la situation dans laquelle son père est mort عليه رحمة الله. Et on demande Allah عز وجل سبحانه وتعالى qu'il nous accorde حسن الخاتمة. Il dit بقرب أحد مداخل المسجد النبوي وكان صائما قبيل المغرب فنسأل الله أن يتغمده بواسع فضله ويسكنه فسيح جنته آمين. Donc Cheikh il dit il mourut qu'Allah lui fasse miséricorde laissant 13 enfants. Allahumma barik anim fihim. Et il était un adorateur pieux, diligent envers la science et aimant et respectant les savants. Mais ça, c'est une caractéristique du sunni, du salafi, il respecte les savants. Il est adab ma'al ulama. Suivant la sunna, réprouvant l'innovation religieuse et les innovateurs, et il avait la croyance des gens de la sunna du consensus, et il avait un rapport étroit avec nos savants salafis. Regardez les noms que le shir va citer, et j'ai dit encore là, on est juste dans les amis du père, ceux avec qui il avait des contacts. Son éminence, l'imam et savantissime exégète du Coran, Cheikh Mohamed Amin Shinqiti, auteur de Adwa al-Bayan. Et son éminence, l'imam Cheikh al-Islam Abdelaziz bin Baz. Et il avait des contacts avec le très savant faqih Cheikh Abdelrahman bin Nasser al-Sa'di, rahimahullah. qui est un des chours de Cheikh Al-Uthaymin, et qui est un tafsir très connu que les ulama conseillent à nous tous, quoi, aux débutants, hein, c'est un tafsir bil-ma'na, c'est un tafsir par le sens, c'est-à-dire que n'importe qui peut lire ce tafsir et le comprendre. D'ailleurs, il a été publié en plusieurs volumes, il a été aussi publié en un volume. De Cheikh, on appelle, dans les pays arabes, si vous allez dans une librairie, vous demandez juste tafsir al-Sa'di, ils vont comprendre. Tafsir, il est connu comme tafsir al-Sa'di, rahimahullah. Le tafsir de Cheikh Sa'di, rahimahullah. Là, je vous recommande vraiment de l'avoir à la maison, vraiment, et d'essayer de le compléter plusieurs fois, c'est-à-dire de lire le Coran du début à la fin, de compléter aussi la lecture parce qu'il n'est pas très grand et c'est directement bilman, c'est facile à lire, de compléter la lecture de l'exégèse du Coran plusieurs fois, c'est qu'on soit habitué au sens des versets du Coran, d'accord. Donc, mais de plus, Cheikh Sa'di rahimahullah, il a offert au père de Cheikh Abdel Bukhari. Donc je vais parler comme si c'est Cheikh Al-Bukhari qui parle, comme je l'ai écrit. Donc, puis le Cheikh a offert à mon père des livres dans lesquels il y a l'écriture du Cheikh. Et qui sont préservés chez moi. Hein, vous imaginez bien que ce soit un livre que reçu votre père. Avec une écriture du Cheikh Sa'di, rahimahullah, dans le livre que vous allez garder comment, hein, précieusement, subhanallah. Et parmi eux aussi, le savantissime savant du hadith, Hammad Al-Ansari. Le Hammad Al-Ansari, rahimahullah. Je sais que je promets beaucoup de choses. Bon, je demande à Allah qui facilite qu'on concrétise tout cela. Mais j'ai commencé celui-là. J'ai déjà deux PDF sur son site de sa biographie. De Cheikh Hamel Ansari, où il rapporte aussi son voyage, comment il est arrivé d'Afrique, comment il est arrivé en Arabie Saoudite et pourquoi, par rapport aux Français à l'époque, etc., qui étaient arrivés dans leur pays, qui ont commencé à faire le façade dans leur pays, etc. D'accord ? Donc, Cheikh Hamel Ansari, rahimahullah, il a rapporté que Abu Hakim, il a une écriture très proche de Cheikh Hamel Ansari. Vous savez ça? C'est un des chours, il a remarqué. Je me disais que je connaissais cette écriture. Et Cheikh Abu Hakim, il a dit, Na'am, ta'assart. Il a dit, j'étais influencé par l'écriture de Cheikh Hamel Ansari. Donc, parmi le savantissime savant du hadith, Hamel Ansari, et le savantissime Cheikh Al-Muhsin Al-Abbad, et le savantissime Mujahid, vous allez remarquer qu'il va utiliser le même mot, le même qualificatif pour Mohamed Amal Jami, et pour Rabi' ibn Hadi al-Madkhili, pour ces deux grands chers. Rahimallah, Cheikh Mohamed Aman, wa Hafid al-Cheikh Rabi. Ils appelaient tous les deux comment? Mujahid. Mujahid. Et je vous rappelle qu'il y a un audio que j'avais traduit sur Twitter pendant cet été, quand j'étais au Maroc. C'est un audio de Cheikh al-Bukhari où il raconte en fait les mots de Cheikh Mohamed Aman, qui était son cheikh, au moment de son décès. Il rapportait que le cheikh, il était dans les nuits qui ont précédé sa mort, où il tombait dans le coma, etc. Il n'avait plus de force pour lire et demandait à son fils de lire pour lui. D'accord ? À tel point que son fils lui-même, il était fatigué. Et qu'il disait que littéralement, on s'arrêtait que pour reposer, pour boire de l'eau, etc. D'accord ? Donc ça, c'est sur son lit de mort, cher Mohamed Aman. Il est tombé dans le coma, et pendant son coma, il s'est levé et il a dit... Préviens les frères, dis aux frères, Al-Aqida, Al-Aqida. Cheikh Mohamed Aman. Et c'était une des spécialités, Ali Rahmatullah, c'était la croyance, Al-Aqida. Donc il y a un livre qui est très connu, un gros volume qui s'appelle Al-Sifat Al-Ilahiyya, par rapport aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le savantissime savant du hadith, Cheikh Rabi' ibn Hadi, et le savantissime savant du hadith, Cheikh Omar ibn Mohamed Foulata, et beaucoup d'autres. Il faut savoir que Cheikh Rabi', qui vous pensez qui est plus âgé, Cheikh Al-Muhsin Al-Abbad ou Cheikh Rabi'? Cheikh Rabi' est plus âgé. Et donc, et beaucoup d'autres, comme on l'a dit, et son décès fut le jeudi 23 du 12 1422 de l'Hégire, près de l'une des entrées de la mosquée prophétique, alors qu'il jeûnait, et c'est juste avant Al-Maghrib. Vous voyez que, subhanallah, comment on peut être des fois nous-mêmes loin de l'ibada des ulama, alors malgré leur âge très très avancé. Regardez, il est mort, il était en état de jeûne, en 1422. C'est-à-dire quoi, il y a 13 ans, mais cheikh, vous pouvez imaginer quel âge il avait, d'accord? Et il est mort en état de jeûne, près des entrées de la mosquée prophétique. D'accord? Pour ceux qui ont eu l'occasion de voir Cheikh Hassan Benna ici, qui est dans ses 90 ans, vous avez remarqué qu'il jeûnait. Vous n'avez pas remarqué ça? D'ailleurs, souvent dans ces cours, quand ils disaient ici, ils disaient, les frères, il y a des dates ici pour celui qui jeûne. Il est rapporté que Cheikh Hassan al-Banna, c'est des étudiants à lui qui m'ont dit ça, ils ont dit, il rate jamais Anil Jama'a. Et que dernièrement, il avait raté quelques prières parce qu'il était très malade et les gens étaient inquiets parce que ce n'est pas son habitude. Et si vous avez vu sur Twitter les messages de notre frère Abdil al-Hamami, qui est un frère marocain qui est depuis très nombreuses années en Arabie Saoudite, qui connaît de Cheikh Abed, qui est un des élèves de Cheikh Abed, etc., mais qui maintenant est beaucoup avec Cheikh Rabi à la Mecque, etc., il a rapporté que Cheikh Rabi, quand il va à la mosquée, il le trouve toujours au premier rang. Même pour Salat al-Fajr. Qu'Allah nous facilite à tous cela. Et qu'il a dit que Cheikh Abu al-Jabili, pendant toute sa résidence à Médine, les nombreuses années où il était à Médine, il disait que Cheikh Abed, c'était son cas aussi. Et Cheikh Abed, il faut savoir qu'il est aveugle. D'accord ? Et je me rappelle qu'en 2003, quand j'avais assisté à un dora de Cheikh Abed, je marchais pour aller à Salat al-Fajr en rue à Bahreïn, et la voiture qui a emmené Cheikh Abed al-Jabili qui est passée, ils m'ont pris en voiture. Hein ? Subhanallah. Vous voyez, l'Ani al-Mashayikh, et le Cheikh Abdullah, il a dit aussi que Cheikh Zayd, la même chose. Que Cheikh Mohammed ibn Abdelwahab al-Banna, de son vivant, rahmatullah alayh, la même chose. Et que Cheikh Mohammed ibn Abdelwahab al-Banna, rahimahullah, il avait fait installer un ascenseur dans sa maison quand il ne pouvait plus marcher pour pouvoir aller à Salat al-Jama'a. Salah azzawajal min fadli. Allahumma adina wa fiqna ya Rabb. Donc, Cheikh il dit, nous demandons donc à Allah qu'il le couvre de son immense bonté et qu'il les fasse résider dans les larges jardins de son paradis. Amin. Troisième question, as-su'al thalith, barakallahu fikum. Cheikhuna, hal lakum an tukhbiruna an talabikum lil'ilm wa mashayikhikum. Troisième question, vous allez maintenant comprendre qu'on rentre plus dans la biographie du Cheikh lui-même, Cheikh Abdul Bukhari, hafidahullahu ta'ala. Et la question c'est, qu'Allah vous bénisse, notre cher, pourriez-vous nous informer au sujet de votre apprentissage de la science et au sujet de vos enseignants? La réponse du cher. الجواب قد من الله علي أن نشأت في كنف والدي الكريمين فقد حرصا كل الحرص على تربيتنا تربية سليمة مستقيمة ولله الحمد وكان والدي رحمه الله يتعاهدنا على أمور ديننا ومن أهمها الصلاة جماعة وكان ينابذ البدع وأهلها كما أسلفت وكنا نسأله عن بعضها كالمولد النبوي ونحوه فكان يحذرنا منها ومن أهلها ويذكر لنا بعض فتاوى العلماء فيها كالإمام عبد العزيز بن باز وغيره من أهل العلم كل ذلك كان له أثر كبير في توجيهي لطلب العلم لذا بدأت في حفظ القرآن في مسجد الإمام البخاري الذي كان والدي قيما عليه وأنا في المرحلة الابتدائية في السنوات الأولى منه ثم حصل انقطاع يسير ثم عودت الحفظ ولله الحمد والمنة. La réponse du cheikh, Allah m'a comblé par le fait que, vous allez voir quand il va citer les noms qu'Allah l'a vraiment comblé, subhanahu wa ta'ala, qu'Allah le préserve et l'affermi jusqu'à ce qu'il le rencontre, subhanahu wa ta'ala. Allah m'a comblé par le fait que j'ai grandi sous l'aile de mes nobles parents qui étaient diligents, de la plus grande diligence, quant à m'éduquer d'une éducation saine et droite, et toutes les louanges reviennent à Allah. Vous allez voir, ça cadre bien par rapport à la dawra qu'on a eu cette semaine, par rapport à l'éducation des enfants et par rapport à la khutbah de Jumu'ah qu'on a eu hier. Mon père, qu'Allah lui fasse miséricorde, prenait constamment soin de nous concernant les choses de la religion et puis parmi les plus importantes, la prière en congrégation, c'est-à-dire en groupe à la mosquée. Et il réprouvait les innovations religieuses et les gens des innovations religieuses, comme je l'ai déjà dit, et nous le questionnons au sujet de certaines d'entre elles, comme la célébration de la naissance du prophète, alayhi salatu wassalam, qu'on appelle le Maulid Nabawi, et autres, et nous mettait en garde contre elles et contre les gens qui les pratiquaient. Et nous citait des fatawas, des savants à leur sujet, comme Cheikh Abdel Aziz Ben Baz et d'autres parmi les gens de science. Tout cela a eu une grande influence sur mon orientation vers la recherche de la science, de la religion. Et c'est pour cela que j'ai commencé à mémoriser le Coran à la mosquée de l'imam al-Bukhari. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je voudrais attirer l'attention de mes frères et sœurs en Allah Azza wa Jal, c'est que souvent, si pas tout le temps, quand vous voyez les biographies des ulama, vous voyez qu'une des premières choses qu'ils font, c'est quoi? C'est le Coran. Hifz al-Qur'an. L'inaya bil-Qur'an. Hifzan, wa tilawatan, wa fahman, wa tadabburan, wa amalan bih. En termes de mémorisation, et de lecture, et d'exégèse dans le sens du sens de ces versets, et de mise en application, etc., etc. Et de méditation, etc. D'ailleurs, je vois une faïda que je vous avais déjà rapportée, peut-être plusieurs fois, c'est que Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah, il dit que pour ne pas rentrer dans le hajj al-Qur'an, le fait de boycotter le Qur'an, un musulman, il doit lire au minimum, lire un juz par jour. C'est-à-dire que tout, une fois par mois, tu complètes la mémorisation du Qur'an. Un juz par jour. Dont mon père était responsable alors que j'étais dans les premières années de l'école primaire. Puis il y a eu un petit arrêt, puis j'ai repris la mémorisation et toutes les louanges reviennent à Allah. On va y revenir au Coran après parce qu'il va rapporter ses shiur dans le Coran. Vous allez voir qu'il étudie, c'est pas mal les shiur du Coran. Il a même une ijaza dans le Coran et il a étudié beaucoup de livres dans le Tajwid et chez des gens qui sont des savants et des gens, des experts dans le Tajwid. Le Cheikh il dit « وَحُبِّبَ إِلَيَّ عِلْمِ الْحَدِيثِ » qui est d'ailleurs une de ses spécialités à Cheikh Abdullah al-Bukhari, c'est le hadith, « عِلْمِ الْحَدِيثِ ». D'ailleurs, si vous avez l'occasion, si vous voulez par exemple étudier le Bayqouniya, vous connaissez le Bayqouniya ? C'est un poème qui n'est pas très long, qui est très court, n'importe qui peut le mémoriser, qui est un poème dans Mustalah al-Hadith. D'accord ? Que lui-même al-Bayqouni, il a écrit, rahimahullah, c'est pour ça qu'on l'appelle al-Bayqouniya. Et Cheikh Abdullah al-Bukhari, sur son site, vous trouvez les audios, et ça a même été publié dans un gros un bon moujallad, on va dire, avec l'explication de Cheikh Abdullah al-Bukhari. Vous allez voir, en fait, vous allez comprendre pourquoi je dis que c'est une de ses spécialités al-Hadith. Hafidahullah ta'ala. Donc le Cheikh il dit وحبب إلي علم الحديث منذ الصغر فكنت أجتهد في تحصيل كتبه والنظر فيها والسؤال عما أشكل مع حفظ ما استطعت منها ولله الحمد وكذا حرصت كل الحرص على تعلم الاعتقاد لما أرى من ضرورة الحاجة إليه فاجتهدت في ذلك ولزمت الحلاقة في المسجد النبوي الشريف وهنا أقول إن مما لا شك فيه أن مشايخ المرء هم عمود نسبه العلمي وسأذكر جملة من أهل العلم والفضل ممن أخذت عنهم وتحملت منهم فجزاهم الله عني خير الجزاء وهم على سبيل المثال لا الحصر. Et j'ai eu l'amour, de la science du hadith dès l'enfance, dès le plus jeune âge. Et donc je faisais des efforts dans l'acquisition des livres traitant du hadith. Et dans le fait d'y lire, de les lire. Et de questionner au sujet de ce que je ne comprenais pas. Tout en mémorisant ce dont j'étais capable et toutes les louanges reviennent à Allah. Et de même, je fus diligent, de la diligence la plus complète, à apprendre la croyance. Regardez, et ça c'est quelque chose qui va prendre de son cheikh Mohamed Amel Jami, de tous les shurs salafis, j'ai toujours de commencer par quoi ? Et donner l'importance capitale et principale à quoi ? À l'aqidah. Une majeure importance à l'aqidah. Au reste bien sûr, mais l'aqidah en premier. Parce que c'est la base. Donc cheikh il dit... à apprendre la croyance en raison de la nécessité que je voyais de l'apprendre. Et donc j'ai fait des efforts dans ce sens et je me suis tenu au cercle de science à la Sainte Mosquée Prophétique. Et ici j'ai dit, il n'y a aucun doute que les enseignants d'une personne sont les piliers de son affiliation scientifique. Puis il dit, et je vais citer un certain nombre de gens de science et de vertu parmi ceux de qui j'ai pris la science, qu'elle a les récompenses de la meilleure des récompenses. Et je les cite à titre d'exemple et non pas de manière exhaustive. Premièrement, أولا, القرآن الكريم وتجويده. قد من الله علي أن أخذت القرآن الكريم على عدد من القراء. وبعضهم أخذت عنه علم التجويد خاصة. Et quand j'étais, c'est vrai, quand j'étais à l'Umra en février passé, j'ai eu l'occasion de prier avec Cheikh Al-Bukhari derrière Cheikh, parce que c'est lui l'imam. Dans sa mosquée, après on a eu une assise avec quelques frères, et subhanallah, vous voyez que Cheikh il a étudié le tajwid. حفظه الله تعالى. فأخذت القرآن عن كل من الشيخ محمد رمضان الدهلوي رحمه الله والشيخ المدقق سيد لاشين أبو الفرج حفظه الله وقد أفدت من الشيخ حفظه الله كثيرا وبخاصة في تحقيق التلاوة والتطبيق العملي لفن التجويد الشيخ أحمد عبد الكريم رحمه الله الشيخ محمد المرسي رحمه الله وهذا الشيخ كان يعمل خطاطا للجامعة الإسلامية وإماما في مسجد الإمام البخاري وأخذت منه زيادة على القرآن التجويد فدرست عليه رسالة البرهان في تجويد القرآن للصادق قمحاوي وكذا أخذت منه عنه الخط العربي نظريا وعمليا والنحو فدرست عليه متن الآجر الرومية أيضا الشيخ المعمر بكري بن عبد المجيد الطرابيشي ولي منه إجازة في القرآن الكريم وأجازني أيضا إجازة عامة شاملة فيما فيها مروياته في مروياته ici, je pense qu'il y a une erreur de frappe ici. في مروياته التي تحملها عن شيخه الشيخ محمد سليم الحلواني رحمه الله الجميع واخذته عن غيرهم أيضا وأخذت التجويد خاصة عن الشيخ أحمد القاضي حفظه الله ودرست عليه كتاب حق التلاوة لحسن الشيخ عثمان. Donc il va commencer par citer ces chouks dans le Coran. Le noble Coran et le tajwid du Coran. Allah m'a comblé, Cheikh Abdel Bukhari dit, d'avoir pris le Coran chez un nombre de récitateurs du noble Coran, ce qu'on appelle le Qurra. Et j'ai pris chez certains d'entre eux, de manière plus spécifique, le tajwid. Et donc j'ai pris le Coran chez Cheikh Mohamed Ramadan al-Dahlawi, qu'Allah lui fasse miséricorde. Le Cheikh précis al-Mudakkik, Sayyid Lachin, Abu al-Faraj, qu'Allah le préserve, et j'ai beaucoup bénéficié du Cheikh qu'Allah le préserve, et surtout dans la précision de la psalmodie et dans l'application pratique de la science du tajwid. Cheikh Ahmed Abdel Karim, qu'Allah lui fasse miséricorde. Cheikh Mohamed Mursi, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et ce Cheikh travaillait en tant que calligraphe, un khattat, par rapport au khat arabi, en tant que calligraphe à l'université de Médine, et il était l'imam à la mosquée de l'imam le Bukhari. Et j'ai pris de lui, en plus du Coran, le Tajwid, et j'ai donc étudié avec lui l'épître intitulée Al-Burhan fi Tajwid al-Quran d'As-Sadiq Qamhawi. Et j'ai aussi pris de lui la calligraphie arabe, en théorie et en pratique, ainsi que la grammaire, et j'ai étudié avec lui l'Ajr-Rumiyya. Donc nous, qu'est-ce qu'on prend de ça? On devrait essayer, pour ceux qui sont pas encore hafad, de prendre le Coran, essayer de faire du tajwid, essayer de le lire avec quelqu'un qui est mutqin dans le qira'a, d'accord? Et aussi d'apprendre le khat l'arabi pour pouvoir écrire correctement, etc. Il dit aussi qu'il étudie la grammaire et j'étudie avec lui l'ajr-rumiyya de l'imam ibn ajr-rum, rahimahullah, que les ulama considèrent comme le madkhal dans le nahou. C'est-à-dire que c'est baban fin nahou, comme disait Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, c'est une porte d'entrée dans la grammaire arabe. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait les livres, que tout le monde fait un peu quand tu es non-arabophone et que tu fais les livres de Médine ou Arabe Ben Yedek, etc., que tu commences à avoir un peu d'arabe, il y a un moment, il faut commencer à étudier des livres comme l'Ajr-Rumiyya. D'accord? Et après d'autres livres, vous allez voir qu'il a pris aussi Qatr Nada, qui est le livre que certains mashikhs placent après l'Ajr-Rumiyya. Même si Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, il dit que si tu fais l'Ajr-Rumiyya l'Alfiyya, tu n'as pas besoin de faire le Qatr. Parce que l'Alfiyya, c'est une khula, ça c'est quelque chose qui englobe la grammaire arabe, donc tu n'as pas besoin de faire Qatr Nada. Qatr Nada, on l'a fait ici, à l'époque, avec un des frères qui l'enseignait ici. On n'a pas terminé, mais on a fait une grande partie de Qatr Nada. On enseignait aussi l'Ajr-Rumiyya ici, dans cette mosquée. On continue. Donc on a dit qu'il a pris la calligraphie arabe aussi de lui, en théorie et en pratique, ainsi que la grammaire, et j'ai étudié avec lui l'Ajr-Rumiyya, le Cheikh. Juste encore un point par rapport à l'Ajr-Rumiyya. Les frères, ce qu'ils veulent le faire, je conseille de le mémoriser. Et si ils veulent pour avoir plus facile, il y a des savants qui l'ont mis en poème, l'Ajr-Rumiyya. D'accord? Il y en a plusieurs, il y en a pas mal. Il y en a plusieurs qui se trouvent sur notre site SPF Birmingham, parce que vous savez qu'il y a une section Mutun. Il y a une section où on essaie de mettre petit à petit les Mutun, dans toutes les sciences, même dans Tajwid, dans Mustalah, dans l'Aqida évidemment, dans la grammaire, etc. Et on met le texte et l'audio aussi, qui facilite la mémorisation. Et j'essaie des fois de mettre un charah avec. Par exemple, dans l'Ajr-Rumiyya, j'ai mis un poème et j'ai mis l'explication avec une préface de Cheikh Abdurrahman Kouni. Vous connaissez Cheikh Abdurrahman Kouni? Cheikh Abdurrahman Kouni, vous allez le connaître un peu plus loin dans la biographie. C'est un cheikh qui est vivant actuellement, qui est un cheikh africain et qui est, si vous voulez, le spécialiste dans la langue arabe maintenant à Médine, chez qui les frères salafis vont. Abdurrahman ibn Auf al-Kouni. J'ai mis sur internet plusieurs fois, sur Twitter, etc., un lien où il y a beaucoup de doros de lui dans la langue arabe. D'accord? Même des livres dans le Mufrada, dans la langue arabe, etc., que vous les avez en audio, il y a Talib qui les lit, les cheikhs les expliquent. Moulhat al-I'rab, l'Ajr-Rumiyya, tous les livres comme ça. D'accord? Les frères qui étudient chez lui, que je connais, ils disent que Cheikh Al-Kouni, il a une méthode spéciale, c'est que certains frères se mettent d'accord en petits groupes et ils vont chez le Cheikh. Donc c'est assez court et c'est en petits groupes. Donc il lit le cheikh aussi, Cheikh Al-Mu'ammar Bakri ibn Abd Majid Al-Tarabishi, et j'ai de lui une ijaza dans le noble Coran. Et il m'a aussi donné une ijaza générale de toutes ces narrations qu'il narrait de son cheikh, Cheikh Mohamed Salim Al-Halwani, qu'Allah leur fasse miséricorde à tous. Et j'ai pris d'autres aussi. Puis il dit, j'ai appris le tajwid de manière spécifique avec Cheikh Ahmed Al-Qadi, qu'Allah le préserve, et j'ai appris avec lui le livre Haqq At-Tilawa. Quand je dis qu'Allah le préserve, c'est à l'époque où Cheikh Al-Bukhari a fait cette tarjama. Je sais pas, j'ai pas de nouvelles de ce cheikh, donc moi je lis comme c'est dit par Cheikh Abdallah Al-Bukhari. Avec Cheikh Ahmed Al-Qadi, qu'Allah le préserve, j'ai appris avec lui le livre Haqq At-Tilawa de Husni Cheikh Uthman. Quant à mon professeur dans les autres sciences, il y a parmi eux. Il a parlé du Coran, il va parler d'autres sciences. Il dit, أما الشيوخ في العلوم الأخرى فمنهم شيخ العلامة الناصح الصادق الرباني محمد آمان بن علي الجامي رحمه الله فقد لزمته نحو من 10 سنوات ودرست عليه عددا كثيرا من كتب العلم في العقيدة والحديث وغيرها كما نص على ذلك في تزكيته لي التي احتفظ بها وأفتخر بها فمن الكتب التي درستها عليه الأصول الثلاثة والقول الأربعة On va faire, Inch'Allah, de Cheikh Al-Bukhari. Wa kitab al-tawhid li Cheikh al-Islam Mohammed ibn al-Wahhab. Wa sharhihi Fath al-Majid wa qurrat uyun al-Muwahhidin. Wa tajrid al-tawhid al-Maqrizi. Wa al-Wasiti wa al-Hamawi wa al-Tadmuriya. C'est de qui ces trois-là? Kulluha min Cheikh. Li Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Wa sharh al-Tahawiyya li ibn Abi al-Izz al-Hanafi. Wa al-Qawaid al-Musla li ibn Uthaymeen. D'ailleurs, ce sharh de al-Qawaid al-Musla de Cheikh al-Uthaymeen, fait par Cheikh Mohamed Aman, il existe en audio. Je l'ai, si pour les frères qui le veulent, il est disponible sur Internet. Il y a un site de Cheikh Mohamed Aman. Vous savez ça? D'accord? Ça, c'est un charh que je vous recommande vivement. C'est un livre que vous les connaissez en français. C'est quoi les règles exemplaires des attributs d'Allah? C'est ça? C'est comme ça que ça s'appelle. Qa'id al-Musla. Hein? Des noms et attributs d'Allah, c'est ça? Les règles exemplaires. Qa'id al-Musla. C'est un livre qui a été édité en français, que j'ai déjà vu en français. Et Cheikh Al-Uthaymeen, c'est lui qui l'a écrit et il l'a lui-même expliqué aussi. Dans un livre. Et Cheikh Mohamed Aman, il a pris ce livre, comme sa spécialité la Aqida, et il a expliqué le livre de Cheikh Al-Uthaymeen. Je vous conseille vivement parce que Cheikh Mohamed Aman, c'est un muhaqiq dans l'Aqida. Ah, j'étais silencieux parce que je me rappelais du frère avec qui j'ai fait ce livre, subhanallah. Maintenant, c'est un ardent défenseur de la Hajouri, subhanallah. On avait étudié à deux ce livre ensemble. On a dit donc ici, mon cher, le savantissime et conseiller et véridique et éducateur Mohamed Amal Jami, qu'Allah lui fasse miséricorde, avec qui je suis resté environ 10 ans. Imaginez 10 ans avec un savant comme Cheikh Mohamed Amal. Et il est connu que Cheikh Abdallah Al-Bukhari, il fait partie des élèves les plus grands et les plus proches de Cheikh Mohamed Aman. Ça, c'est même certains mashayikhs qui nous l'ont dit. Cheikh Abdallah Al-Bukhari, il est connu pour ça. Qu'Allah lui fasse miséricorde, avec lui, je suis resté environ 10 ans. Et j'ai étudié avec lui un grand nombre de livres dans la science, dans la croyance et dans le hadith et autres, comme il l'a stipulé lui-même dans sa recommandation à mon égard. Ça veut dire que quoi? Que Cheikh Abdallah Al-Bukhari, il est une tizkiya de Cheikh Mohamed Aman, de son Cheikh, une vraie tesquille, que je garde précieusement et dont je suis fier. Parmi les livres que j'ai étudiés avec lui, Al-Usul al-Thalatha, Al-Qawaid al-Arba', que nous on va étudier, Inch'Allah, bientôt, et Kitab al-Tawhid de Cheikh al-Islam Mohamed ibn al-Wahhab. Ces trois-là qu'il vient de citer, c'est Cheikh al-Islam Mohamed ibn al-Wahhab. Et ces deux explications, les deux explications de quoi? De Kitab al-Tawhid, c'est lesquelles qu'il a cité? Fath al-Majid, j'en ai déjà parlé dans le cours précédent, vous vous souvenez? C'est d'un des petits-fils de Cheikh Mohamed ibn Abdelhab, rahimahullah, qui expliquait le livre de son grand-père, Kitab al-Tawhid, et qu'il appelait Fath al-Majid, Sharh Kitab al-Tawhid. Et il y en a un autre qui s'appelle Qurrat Uyun al-Muwahhidin. Il y en a d'autres aussi, il y a Taysir al-Azl al-Hamid, etc. etc. Donc, il dit ici, et ces deux explications qui sont Fath al-Majid et Qurrat Uyun al-Muwahhidin, qui sont les deux explications de Kitab al-Tawhid, ainsi que Tajrid al-Tawhid. Tajrid al-Tawhid, j'ai l'impression de l'avoir vu en français aussi. Al-Maqrizi. C'est juste ou pas? Quelqu'un s'est confirmé ça? Non? Tajrid al-Tawhid, Al-Maqrizi. Je l'ai déjà vu en français, wallah. Je ne l'ai pas lu, mais j'ai vu le livre. et Al-Wasitiya, et Al-Hamawiya, et Tadmouriya. Ces trois-là, c'est de qui? Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Et l'explication de Tahawiya d'Ibn Abil Izz al-Hanafi. Ibn Abil Izz al-Hanafi, rahimahullah, Aqid al-Tahawiya, les ulama l'appellent Aqid al-Sunna al-Jama'a. C'est un livre qui est enseigné en tant que, dans le programme scolaire de l'université de Médine. Et il y a un savant Hanafi, qui a expliqué cette Tahawiya-là. Ibn Abil Izz al-Hanafi, rahimahullah. D'accord? Et Cheikh, il faut savoir qu'il y a une édition où Cheikh l'Albani et Cheikh Ben Baz, ils font des annotations sur le charh d'Ibn Abil Izz al-Hanafi sur Tahawiya. Donc c'est cette édition-là que je vous recommande. Et donc Cheikh il dit, et Al-Qawa'id al-Musla, c'est de qui on vient de dire Al-Qawa'id al-Musla? Les règles exemplaires de Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah, Mohamed ibn Salih al-Uthaymin, et Qatr al-Nada wa Ballu al-Sada, qui est un livre dans quoi? Dans la grammaire arabe, naam. Et Al-Ajurumiya, dans la langue arabe, on va dire, Al-Ajurumiya, dans la grammaire aussi, et des chapitres de Neil Autar. Neil Autar, c'est de qui? Shoukani, rahimahullah. Combien il fait maintenant le tahriq de qui est sorti il n'y a pas longtemps, que j'ai ramené, fait quoi, 15 volumes, quelque chose comme ça, hein? Et Zad al-Ma'ad, c'est de qui Zad al-Ma'ad? Al-Qayyim. Et le chapitre du jeune de Sahih al-Bukhari, et on a l'ahkam de al-Maqdisi, et d'autres. À la fin, j'ai dit qu'on ne va pas le rapporter, mais il a rapporté une très longue liste des livres qu'il a fait. C'est-à-dire, quand je dis fait, c'est-à-dire qu'il y a des livres qu'il a écrits lui-même, le cheikh, et des livres qu'il a étudiés. Et puis, cheikh, il dit, et j'ai étudié la majorité de ses livres à la Sainte Mosquée Prophétique, et certains à la mosquée voisine de sa demeure, et certains à la mosquée de As-Sani' au quartier de Al-Masani'. Donc après, cheikh Mohamed Amal Jami, c'est qui son deuxième cheikh qui va citer, c'est Al-Sheikhuna Al-Allama الفاضل عبد المحسن بن محمد العباد حفظه الله وقد لزمته نحو من 16 عاما فحضرت معه المجلد الأخير من صحيح مسلم ثم تابعت الحضور في صحيح البخاري وسنن النسائي وسنن أبي داود وأكثر جامع الترمذي وحضرت درسا أنشأه في رمضان شرح فيه اللؤلؤ والمرجان ولم يتمه وحضرت دروسه الصيفية كعقيدة ابن أبي زيد القيرواني وشرح آداب المشي إلى الصلاة وغيرها وغيرها كلها في المسجد النبوي الشريف وقرأت عليه في حج عام 20 بعد 400,000 هجري بمخيم التوعية الإسلامية بميناء جزءا من كتاب الحج من شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله وقرأت عليه في مخيم التوعية الإسلامية بالحج بميناء عام 21 بعد 400,000 هجري كامل أجوبة العلامة محمد بن صالح العثيمين على الحج في كتابه المسمى فتوى أركان الإسلام. C'est un livre aussi qui a été traduit en français, même si la traduction n'est pas toujours parfaite, en deux volumes. C'est les piliers fatwa sur les piliers d'Islam, c'est ça, hein? Sur les cinq piliers d'Islam, hein? En deux volumes, je crois qu'il était sorti. جمع ترتيب فهد بن ناصر السليمان طبع دار الثرية وكان ذلك أول نزول الكتاب وعلق الشيخ بعدة تعليقات وحضر مجالس القراءة والعرض عدد من المشايخ المشاركين في التوعية منهم شيخنا علي بن ناصر الفقيه والشيخ صالح بن سعد السحيمي والشيخ عبد الصمد الكاتب رحمه الله والشيخ حمد بن عبد الوهاب الشيخ أحمد عبد الوهاب وغيرهم بس كلا ديكا. Donc, qu'est-ce qu'on a dit ici? Le deuxième qui va citer ici, c'est notre cher, le très savant et doté de vertu, Abdul Muhsin ibn Hamad al-Abbab, qu'Allah le préserve, avec qui je suis resté près de 16 ans. 10 ans avec Cheikh Mohamed Aman, 16 ans avec Cheikh Mohamed al-Abbab. Et j'ai donc assisté avec lui au dernier volume de Sahih Muslim. Puis, j'ai continué à assister à Sahih al-Bukhari. Il faut savoir que Cheikh Abdul Muhsin al-Abbab, hafidahullah, il a expliqué les 6 livres de la Sunna, qu'on appelle les 6 livres, c'est quoi? Cheikh al-Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Tirmidhi, Nasa ibn Majah. Il les a expliqués, il les a finis en 25 ans. Ça lui a pris 25 ans. Et il les a finis, il les reprend. Si je ne me trompe pas, quand j'étais à l'Umrah en février passé, il était dans Sahih al-Bukhari. Je ne pense pas qu'il les finit, Wallah alam. Là, les drousses qu'on cite là, c'est par livre, c'est plusieurs centaines d'audio. Hein. C'est plusieurs centaines de cours. Ils sont tous disponibles sur Internet. Je les ai pour celui qui ne les a pas ici. Ça, c'est une habitude qu'on avait quand les frères revenaient qui étudient à Médine ou bien les frères qui partent en Hajj ou en Umrah, si on ne pouvait pas y aller nous-mêmes, c'est qu'on leur donnait des CD, on leur demandait qu'ils ramènent des durus. Et quand ils commençaient à avoir des disques durs externes, hein, on commençait à chaque fois à demander qu'ils nous donnent leurs disques durs externes pour pouvoir faire des copies, etc. C'est important de stocker ce genre d'audio, etc. et les écouter petit à petit. Donc, il a dit, j'ai assisté au dernier volume de Sahih Muslim, puis j'ai continué à assister à Sahih al-Bukhari et Sunan Nasa'i et Sunan Abi Daoud et la majorité de Jami' al-Tirmidhi. Et j'ai assisté à un cours qu'il avait établi au mois de Ramadan dans lequel il avait expliqué Al-Lu'lu wal-Marjan. J'ai déjà parlé de ce livre-là. C'est quoi Al-Lu'lu wal-Marjan? Le titre complet. Al-Lu'lu wal-Marjan fi mattafaqa alayhi al-Sheikhan. C'est-à-dire tous les hadiths qui sont muttafaqun alayha dans Bukhari et Muslim. Un cheikh les a pris, ces hadiths, et les a compilés dans un livre, et les tolabins l'étudient. C'est-à-dire que avant peut-être d'étudier le Bukhari ou le Muslim, qu'est-ce qu'ils font? Ils étudient les hadiths qui sont dans les deux, dans l'Ulu al-Marjan. Même des enfants au Yémen le connaissent par cœur. Je connais notamment un frère ici qui le mémorise. Dans lequel il avait expliqué à l'Ulu al-Marjan qu'il n'a pas fini. Et je vais vous motiver, c'est pas un frère arabe, c'est pas un frère qui... un frère converti qui... Alhamdoulilah, il a appris l'arabe et ijtahad, alhamdoulilah. Dans lequel il avait expliqué à l'Ulu al-Marjan qu'il n'a pas fini et j'assistais à ses cours estivaux comme Aqidat ibn Abi Zil Qirawani. Ce charh de Cheikh Masih Al-Abad, il a été publié. Et l'explication d'Adab al-Mashi ila Salah, il a aussi été publié et il se retrouve dans sa compilation de livres et d'épîtres de Cheikh Masih Al-Abad. Et d'autres, tous dans la sainte mosquée prophétique. Et j'ai lu au Cheikh lors du pèlerinage de l'an 1420, il y a 15 ans, de léger à la tente de Tawi al-Islamiya Aminan une partie du chapitre sur le pèlerinage de Sharh Sunnah de l'imam al-Baraoui, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et je lui ai lu lors du pèlerinage de l'an 1421, c'est-à-dire l'année d'après, de léger à la tente de Tawi al-Islamiya Aminan toutes les réponses du savantissime Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin aux questions sur le pèlerinage de son livre intitulé Fatawa Arkal Islam, regroupé et classifié par Fahd ibn Nasr al-Sulayman aux éditions Dar al-Thurayya. D'accord, ça c'est un livre que Cheikh Al-Uthaymin a écrit, et donc évidemment c'est des fatwas sur les cinq piliers parmi eux. Et le dernier c'est quoi? C'est le Hajj. D'accord, donc Cheikh Abdul Bukhari, il a lu à Cheikh Masih Al-Abbad ses questions et réponses de Cheikh Al-Uthaymin. Et il dit le Cheikh, et cela eut lieu à la première sortie du livre. Et le Cheikh a apporté de nombreuses explications, Cheikh Masih Al-Abbad, et furent présents à l'assise de lecture et de présentation un certain nombre de Cheikhs présents qui participaient à la Tawiyya. Comme notre cheikh, Cheikh Ali ibn Nasr al-Faqih, et Cheikh Salih ibn Sa'd al-Suhaimi, et Cheikh Abd al-Samad al-Katib. Cheikh Abd al-Samad al-Katib, il est décédé, alayhi rahmatullah, et c'était un des spécialistes dans ce qu'on appelle l'ilm al-Fara'id, les sciences des héritages. Et Cheikh Ahmed ibn Abdul Wahhab et d'autres. Puis il continue le cheikh et dit, ومن العلماء الذين درست عليهم في المسجد النبوي الشريف الشيخ العلامة المحدث المؤرخ عمر بن محمد فولاته رحمه الله حيث حضرت له شرحا لصحيح مسلم والموطأ وشرحا في السيرة النبوية. Parmi les savants aussi chez qui étudie la sainte mosquée prophétique, le très savant et spécialiste du hadith et historien Cheikh Omar ibn Mohamed Foulata, chez qui j'ai assisté à l'explication de Sahih Muslim et du Muwatta. Muwatta de qui? Même Malik. C'est quoi le charh le plus connu de Muwatta? At-Tamhid de qui? Ibn Abd al-Barr. Une explication sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'on appelle quoi? Al-Sira al-Nabawiyya. ومن العلماء أيضا أخذت عنهم في المسجد النبوي الذين أخذت عنهم في المسجد النبوي الشريف شيخنا الشيخ العلامة الناصح علي بن محمد بن سينان رحمه الله حيث درسنا عليه في ألفية بن مالك في النحو وإرشاد الفحول للشوكاني والرد المربع في فقه الحنابلة. Parmi les savants aussi chez qui j'ai étudié, le très savant faqih Atiyya ibn Mohamed Salim, qu'Allah lui fasse miséricorde, non, pardon, j'ai sauté un cheikh ici, c'est quoi? Bon, en fait, j'ai interverti, c'est pas grave. Et parmi les savants chez qui j'ai eu aussi pris la science dans la mosquée prophétique, notre cheikh, le savantissime conseiller Ali ibn Mohamed ibn Sinan, qu'Allah lui fasse miséricorde, chez qui nous avons étudié Alfiyat ibn Malik dans la grammaire et Irshad al-Fuhul de Shawkani. Et Rad al-Murbi' dans le fiqh al-Hanbali. D'accord. Pour les frères aussi qui veulent laisser des audios de Cheikh Ali Sinan, je les ai aussi, le Kutub Sitta. Maintenant, je reviens à celui que j'ai omis par inadvertance. C'était qui? C'était. ومنهم أيضا العلامة الفقيه الشيخ عطية بن محمد سالم رحمه الله حيث حضرت عليه شرح مذكرة الشنقيطي في أصول الفقه وبعضا من دروس الرحبية في الفرائد وشرح الوراقات وكلها في المسجد النبوي الشريف. Donc ici c'est quoi? C'est qu'il dit parmi eux aussi le très savant faqih Atiyah ibn Muhammad Salim, qu'Allah lui fasse miséricorde, chez qui j'ai assisté à l'explication de Mudakkirat al-Shinqiti fi Usul al-Fiqh. Alors on avait dit que Mohamed Amin Shinqiti, c'est un grand savant qui était à Médine, qui est quelle nationalité? Mauritanien, ou mauritanienne plutôt. On n'a pas rapporté toute sa vie, mais elle est très intéressante aussi. Et ce cheikh, une de ses spécialités, parmi les nombreuses qu'il avait, c'était Usul al-Fiqh. Et d'ailleurs, Jamia Alaba lui avait demandé d'écrire un livre dans Usul al-Fiqh, qui puisse être dans le devenir un programme, une comment on dit ça en français? C'est-à-dire un programme, c'est-à-dire un livre qui devient lui le programme dans Usul al-Fiqh, si vous voulez, d'accord? Un curriculum. Ça se dit ça en français aussi? Hein? D'accord. Donc, pluriel de curriculum? Curriculi. En latin, tu vois, hein? C'est le bac que j'ai fait en latin qui ressort là. À la coulihal. Et donc, qu'est-ce qu'on disait? Oui, c'est que le cheikh Mohamed Amin Shinqiti, rahimahullah, il a fait un livre dans Usul Fiqh qui s'appelle Mudakirat fi Usul Fiqh. D'accord? Et on appelle d'ailleurs Mudakirat Shinqiti fi Usul Fiqh. Et un de ses élèves, qui est Atiya Salim, eh bien, Cheikh Abd al-Bukhari, il a fait ce livre-là avec Cheikh Atiya Salim. Adwa al-Bayan, dont j'ai parlé tout à l'heure le tafsir, il faut savoir que Cheikh Mohamed Amin, Amin Shinqiti, rahimahullah, il a fini avant de mourir. Il ne l'a pas fini avant de mourir. D'accord? Il ne l'a pas fini. C'est qui l'a fini? C'est Cheikh Atiya Salim. Quand vous regardez Adwa al-Bayan, à partir d'une certaine sourate, si je ne me trompe pas, hein, vérifiez ce Mujadila, je crois. Ou le Mujadila, Allah, je ne sais plus. Hein? Et à partir de ce moment-là, c'est son élève qui est Cheikh Atiya Salim qui l'a fini. D'accord? Mais c'est ce cheikh-là ici qui parle, Cheikh Abd al-Bukhari. Il est décédé, alayhi rahmatullah. Et donc il dit, il a cité aussi à certains autres cours avec le cheikh, c'est Rahbiya, dans la science des héritages, Ilm al-Fara'id, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et l'explication d'Al-Waraqat. Waraqat, c'est de quel cheikh? Donc, hein? Al-Juwayni. Et c'est dans quelle science? Usul al-Fiqh. Et tous dans la mosquée prophétique. Et parmi les savants, aussi, un autre maintenant, l'allama al-muhaddith al-mujahid, il a dit qu'il allait donner le même titre qu'à Cheikh Mohamed Aman. C'est qui alors? Al-mujahid ici. Cheikh Rabi'a. Rabi'a bin Hadi al-Madkhali, hafidhahullah wa matta'abih, haythu darasna alayhi fil masjid al-mujawir li sakanihi al-kain anzaka fi hayy al-azhari, muqaddimat sahih muslim, wa taqid wa al-idah lil-hafid al-iraqi, wa i'lam al-muqa'in, l'imam al-Qayyim, ou Akhtisar ulum al-Hadith, l'Ibn Kathir. Et parmi eux, le très savant, Muhaddith et Mujahid, et spécialiste de la critique, ce qu'on appelle un naqid, naqid, par rapport au naqd, le mot naqd, la critique, Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, qu'Allah le préserve, et comble autrui par lui. Car nous avions étudié avec lui dans la mosquée, avoisinant sa demeure à l'époque, parce que savoir que Cheikh, à l'époque, Rabi' a habité où? À Médine. Maintenant, il habite à la Mecque. Avoisinant sa demeure à l'époque dans le quartier d'Al-Azhari. Il a étudié avec lui Muqaddimat Sahih Muslim, et Taqid wal-Idah d'Al-Hafid al-Iraqi, et I'lam al-Muqa'in d'Al-Imam al-Bulqayyim, et aussi Ikhtisar ulum al-Hadith d'Ibn Kathir. D'accord? Si je ne me trompe pas d'ailleurs, je pense que. Si je ne me trompe pas, j'ai entendu que ça va être édité bientôt de Cheikh Rabi', Inch'Allah. Celui-là ou un autre livre dans le Hadith? J'espère que je ne me fais pas un peu trop long là, non, ça va? Ça fait 1h03. Je vous laisse le jour en continu ou on finit la fois prochaine? Continue un petit peu, parce que je sais qu'il y a des frères qui ont assisté à un dars avant l'Aïcha. On continue combien de temps, vous dites? Je vous laisse le choix, moi ça ne me dérange pas. Hein. On termine. On continue quelques minutes peut-être. Et puis on s'arrêtera, Inch'Allah, c'est pas un problème, on terminera la fois prochaine avec la défense et la nouvelle tesquille de Cheikh Abdel Jabiri pour Cheikh Al Bukhari. On n'est pas pressé, alhamdulillah, il ne faut pas être trop long aussi pour les frères, les sœurs et les enfants qui assistent au cours. Alhamdulillah, c'est quelque chose que j'apprécie, que je vois aujourd'hui, il y a plus d'enfants. Non, ma barque. Ça veut dire que la conférence, elle a porté ses fruits. C'est quelque chose que j'ai dit dans les séminaires quand je vais en France, je suis un peu choqué en général, parce qu'il y a très très peu d'enfants. Ça, c'est une erreur. C'est qu'on n'amène pas les enfants au Dorus. C'est comme si c'était quelque chose qui était réservé que pour les adultes, même peut-être que pour les frères. Hein? Ouais, c'est une question, ils peuvent venir en famille, qu'ils viennent en famille, qu'ils aiment les enfants, ils s'habituent, etc. Je demande de leur amener quelque chose avec lequel ils peuvent s'occuper, parce que pour leur demander de rester concentré pendant plusieurs heures sur un dars, une biographie comme ça, c'est un peu difficile. D'accord? Alors, on continue un peu, après on arrête, Inch'Allah. ومنهم أيضا شيخنا العلامة المؤرخ اللغوي النسابة صفي الرحمن مبارك فوري رحمه الله حيث صحبته أكثر من سنتين قرأت عليه قدرا صالحا من الكتب الستة كما نص عليه في إجازته أجازني فيها وفي سائر مروياته المتصلة بكتاب الحافظ الشوكاني إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر وقرأت عليه أكثر جامع الإمام الترمذي وكذا بعض كتب اللغة وبخاصة النحو والصرف المنتشرة في بلاد الهند منها كتاب شرح 100 عامل وغيرها وغيرها وقرأت عليه بعض كتب العقيدة كأصول السنة لإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وغيرها وكانت هذه الدراسة وغيرها هذه الدراسة أكثرها في المسجد النبوي الشريف في مجلس خاص. Je me limiterai à celui-là, après on va rapporter Cheikh Nejmi et encore les autres ulama chez qui il étudie, Inch'Allah. Donc le dernier qu'on va citer pour aujourd'hui, c'est, et parmi eux aussi, notre cher, le savantissime et historien et linguiste et spécialiste de la généalogie, Safiyur Rahman al-Mubarakfouri, qu'Allah lui fasse miséricorde, car je l'ai accompagné pendant plus de 2 ans, et je lui ai lu une bonne partie des 6 livres de la Sunna, comme il l'a stipulé dans son ijaza, et donc il m'a donné une ijaza quant à ses livres, et dans toutes ses chaînes de transmission liées aux livres d'Al-Hafid al-Shawkani, Itaf al-Akabir bi-Isnad al-Dafatir, je lui ai lu la plus grande partie du Jami' de l'imam Tirmidhi, ainsi que certains livres dans la langue arabe, et surtout dans la grammaire et le sarf, qui sont répandus en Inde, comme Sharh Mi'at Amil, et d'autres. Et je lui ai lu quelques livres dans la croyance, comme Usul Sunnah de l'imam Ahmed ibn Hanbal, qu'Allah lui fasse miséricorde, et d'autres. Et cette étude était en grande majorité dans la sainte mosquée prophétique, dans une assise privée. D'accord ? On va s'arrêter là-dessus pour aujourd'hui, je crois que c'est assez, 1h05, alhamdulillah. والله اعلم وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك donc comme d'habitude j'essaierai de mettre l'audio le plus vite possible en ligne peut-être ce soir déjà et le PDF peut-être ce soir en ligne aussi inshallah et le dars prochain on termine la biographie de Cheikh Al-Bukhari inshallah et alors peut-être pas ce dars là mais le dars d'après alors peut-être on commencera le Qawl Arba inshallah jazakumullah khair